Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. Bonjour à tous et bienvenue comme tous les jeudis soirs dans notre émission 120 au compteur. Ah, ça y est, Marine, elle est déjà chaude comme la braise. Ouais. On l'entend et on va vous expliquer dans quelques instants pourquoi elle est chaude à ce point-là. Si, on va expliquer. Bah, on va l'expliquer quand même. Mais d'ici quelques instants, bien évidemment, puisqu'on va avoir une émission alors presque exclusivement féminine ce soir. Canon n'est pas là. Il n'est pas là, malheureusement. Vous êtes en minorité. Et oui, c'est on bon est en minorité. Ça. Ouais. Mais c'est aussi bon pour nous puisque nous sommes en bonne compagnie. Et on va faire un petit tour de table déjà pour accueillir le plus beau, le plus grand. Enfin, il n'y a plus que lui de toute façon. Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, comment vas-tu? Bien, et toi? Bah bien, bonne année, meilleur vœu. Oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas revu depuis. Bah aussi. Ah non? Hors antenne, oui. Ouais, hors antenne, n'est pas l'antenne, c'est vrai. Voilà, des bonnes résolutions pour cette année? Rester comme l'année dernière, je pense que c'est déjà pas mal. Là, je parle de bonnes résolutions. Ah, ben non. Non. Bon, bah, tant pis, on va faire avec. Bah voilà, c'est bon, ça. Évidemment, ce soir, tu vas nous parler de Cinoche. Oui, bien sûr. Alors, je vais faire donc la chronique rétro-ciné avec un film de l'année 1994. Donc 94 pour les Français. Je vous ai préparé une petite chronique. C'est des résumés de films, mais en une seule phrase. Ouais. Où il va falloir essayer de retrouver. C'est assez simple, c'est un petit peu humoristique aussi. Ouais. Et vers 21h30, je pense que je vous ferai les sorties ciné qui viennent de sortir hier. Et t'as intérêt de le faire? Bah oui. Bah, tu penses, mais n'importe quoi. Marine! Oui, c'est moi. Bonsoir. Alors, toi, tu vas nous parler d'un groupe contemporain, mais qui n'existe plus, mais qui. Enfin, bref, j'ai pas tout compris, mais. Non! D'un événement qui va se passer. Oui. Parle bien dans le micro par contre, hein. Tu sais qu'on fait de la radio. Oui, pardon, je pensais que c'était la télé. Donc d'un événement qui va se passer et d'un petit coup de cœur que j'ai eu. D'accord, donc voilà. T'en dis pas plus là, tu nous laisses sur notre fin. Bon, ça va impliquer un petit peu Nirvana à l'événement. Ah oui, oui. Sympa. Et puis on va recevoir ce soir donc deux demoiselles, deux comédiennes aguerries qui tournent actuellement sur l'île. Alors il y en a une qui tourne dans, alors ça va te plaire le titre, La guerre des garces. Ouais. Donc, la boîte à rythme. C'est vrai que la façon de dire c'est un peu curieux, hein, La guerre des garces. Si ça avait été des mecs, ça aurait été La guerre des gars. Ouais, c'est moins marrant. Et puis aussi également, elles vont venir nous parler, donc ces deux demoiselles, d'une nouvelle création qui s'appelle donc Show 7 et Match. Voilà, donc c'est en préparation et ça va bientôt se jouer. Alors tout est dans le titre. On va recevoir juste après la coupure musicale et ce sera donc Anaïs et Anne qu'on aura le plaisir de recevoir sur les ondes de RLM. Allez, ben c'est parti. Immobile. première sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Je suis un peu coincé parce que je croyais que c'était le jingle et c'est toujours aussi bon. Je vais dire que c'est meilleur, mais du coup. Bah non, c'est pas celui-là. Ah, très bien quand c'est un nouveau jingle. Bah non, c'est pas un nouveau. Non, en fait, j'avais jamais entendu celui-là. T'as jamais écouté. Ah ouais, c'est peut-être celui-là aussi. Ouais, okay, c'est peut-être ça. Mais c'est peut-être parce que aussi je suis troublé. Nous sommes troublés puisque nous sommes, comme je vous l'avais annoncé, oui, en compagnie de deux comédiennes, donc avec Anne et Anaïs. Et on va commencer par la plus jeune, Anaïs. Bah oui, évidemment. Alors pourquoi Anaïs est avec nous? Parce qu'effectivement, elle va nous parler donc alors de deux pièces pour le coup. C'est ça. Alors on va commencer par la première, qui est La Guerre des Garces. C'est ça. C'est alors. Une pièce du coup de Fabrice Dublin, Michel Delgado et Carole Fonfria. Donc qu'on joue en ce moment à la Boîte à Rire. Ouais. Qu'on a joué pendant toutes les vacances de décembre et que là on va jouer du coup le 23, 24, 25 et 26 janvier. Donc à la Boîte à Rire. Parle bien devant le micro. D'accord, pardon. Donc du coup, dedans... Non, on ne dit pas pardon ici. Hein. Ah d'accord. Voilà. Alors je continue. Je crois que c'est La Guerre des Garces hein, quand même. C'est ça. Faites gaffe, je suis une garce. Oui, parce que tu vas nous expliquer que tu es l'une des deux garces. C'est ça. En fait, c'est l'histoire de Hubert, qui est un garçon assez simplé, on va dire, qui est célibataire depuis, on va dire, 6 mois, 1 an. Ouais, ça me rappelle quelqu'un, ça. Qui ça, Canon? Non, il est pas célibataire. Ah, ouais, non, je vrai. Regarde pas toi. Bah ouais, ça me rappelle quelqu'un quand même. Ouais. Et donc, du coup, c'est l'histoire donc, de Hubert qui en fait, attend une fille qu'il a rencontrée sur Internet, Vanessa, une grande blonde. Vous pouvez faire le fantasme si vous voulez. Donc, il l'attend et en fait, débarque son ex, Marie. Donc, je suis Marie. Ah, dedans. Une brune. C'est ça, une brune. Ouais. Et donc commence la guerre des garces parce que les deux filles vont se croiser en fait justement dans la pièce et mettre un peu on va dire le bazar. Ah donc il y a vraiment une Vanessa quand même. Ah oui, il y a vraiment une Vanessa. D'accord. Et c'est une comédie légère évidemment, on se marre. C'est ça, c'est une comédie, faut venir oui pour rigoler en fait, c'est vraiment vraiment le but. Donc ça tourne autour des trois personnages qui se croisent, l'absurde. Le comédien notamment qui est un peu simplé donc du coup qui comprend pas tout ce qui se passe ouais. Et les deux comédiennes qui sont un peu calculatrices et qui du coup jouent autour de son côté un peu idiot quoi. Alors c'est une pièce est-ce qu'on peut alors je vais peut-être un peu être désuet mais on peut définir comme une pièce de boulevard j'imagine. Oui c'est ça, c'est du théâtre de boulevard en fait. Ouais carrément. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas la Boîte à Rire c'est un petit théâtre de poche hein. C'est comme ça c'est qu'on ça. Le dit ouais. Sur Paris il y en a beaucoup d'ailleurs mais sur l'île ouais. c'est un super endroit mmh. T'as un beau petit écran justement pour aller voir des pièces, c'est très intimiste hein. Exactement ouais. Voilà. c'est un théâtre très intimiste, très proche du spectateur en fait. C'est une salle d'une cinquantaine à 60 places à peu près et donc on a vraiment la scène juste devant le premier rang, ce qui fait qu'on peut même jouer avec le spectateur aller rendre complice en fait de la pièce, c'est vraiment ouais. sympa. C'est est-ce que cela sous-entend que tu fasses du cabotinage, tu vois? Pas du tout. Absolument pas. Je sais même pas ce que ça veut dire. Non. Ah. Okay. Donc c'est l'une des garces donc de la guerre des garces, alors qui va se jouer donc le 23, le 24 et le 26 janvier. Et le 25. Et le 25, ah oh, pardon, excuse-moi, je vais pas noter le 25. donc ça ce sera à la Boîte à Rire. On va en reparler évidemment. Mais après on laissera aussi la parole à Anne. Merci. Anne qui est avec nous, bonsoir Anne. Oui, bonsoir à tous, ravi d'être là, bonne ambiance. Ouais, c'est clair. Alors, hors antenne était là, ce soir c'est chaud. C'est chaud, c'est vrai, à vous. Hein. En forme. Bah oui, carrément. Et toi, tu vas nous parler aussi avec Anaïs d'une autre création, on va en parler, donc de Show, Set et Match. Écrite par Anaïs. Écrite par Anaïs, pure création, qui va se jouer aussi à la Boîte à Rire, mais là au mois de février. Au mois d'avril. Ah, au mois d'avril, d'accord. Donc on n'apprend pas trop là. D'accord. On est large au niveau des répétitions, on sera vraiment prêt. Au mois d'avril. Avril, ouais. La bonne blague, le 1er avril c'est... Ah non, je passe. Bon, nous, on aime bien la musique des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Allez, on va faire une petite roulette song, Sherlock. Ah bah vas-y. C'était pas prévu. Alors explique un peu. Non mais j'explique le truc d'Harry, ce qu'il a l'habitude de faire, c'est il attend la dernière minute et puis oh bah tiens on va faire ça. Et puis bah après c'est toi tu te démerdes. Alors, bon, bah, il y a aucun problème. Alors, on va partir dans les titres français. Je vais faire défiler tous les titres. Anne, tu vas me dire stop à un moment. Je vais cliquer sur un titre. Okay. Alors, vas-y, je fais défiler. Tu me dis stop. Je ne regarde pas. Stop. Alors, on part. Femme à lunettes de Richard Gottener. Ah là, je suis désolée. Ah bah, ça tombe très bien. C'est vrai. Alors, et maintenant, on va partir dans l'international. Ça peut être bien. ou pire. Allez, je fais défiler pour Anaïs, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Et on part avec Limal et The Never Ending Story. Qui vient de quel film, attention? Anne. Never Ending Story. Attention, vous faites des études dans le cinéma. Aucune idée. Oh, l'histoire sans fin. L'histoire Joker appelle un ami. Bah, c'est le titre, Never c'est l'histoire, Story. L'histoire sans fin. Ah, l'histoire pas du tout des Joker maintenant. Avec mais on en apprend tous les jours, merci beaucoup. Ah bah, bien sûr. Voilà. Allez, bah, donc on s'écoute ces deux titres. Allez, c'est parti. she may fade away in your hands. The birth of a new day rhymes that keep their secrets alone behind the clouds. And there upon the rainbow is the answer to a never-ending story. Never-ending story. Never-ending story. Never-ending story. RLM 107.9 FM. RLM. Et c'est toujours aussi bon, évidemment. C'est vrai. Et, oui. Et donc, nous sommes avec Anaïs et Anne. Alors, Anaïs qui nous parlait de donc, la guerre des Garces, donc qui va se jouer le 23, le 24, le 25 et le 26. En fait, du 23 au 26 janvier. C'est donc, ça. La boîte arrière, c'est plus simple à dire. Et on est aussi avec Anne. Oui. Alors là, pour un tout autre projet, puisque là, c'est un projet de création dont tu es l'auteur, Anaïs. C'est ça. Alors, on dit auteur, autrice ? Non, auteur. Auteur. Auteur. Ouais, c'est bien. Oui. Auteureux avec auteureux. Un E à la fin. Auteureux. Auteureux. Auteureux. Auteur, qu'on dit chez vous. Ah voilà, donc ah, mais c'est pas donné à tout le monde déjà. Donc ça veut dire que c'est toi qui as écrit la pièce. C'est ça. Je l'ai écrite en fait en collaboration avec ma maman, justement, qui avait les idées de base. Ouais. Et en fait, moi j'ai tout remis à ma sauce en rajoutant des musiques parce que je suis une grande fan de comédie musicale. Ouais. Et du coup, voilà, je l'ai remise un peu à ma sauce et j'ai vraiment tout écrit après la trame, etc. Donc ça s'intitule Show, c'était match. C'est ça. Alors, Show, c'était match, on peut avoir un pitch de la pièce ? Oui, alors, je l'ai écrit parce que c'était un peu compliqué à expliquer. Ouais, ouais, bon, en plus, c'en est en fin de création, c'est ça ? Et puis, vous allez jouer au mois d'avril. On a entamé les répétitions, là. Ouais. C'est ça. Donc l'histoire, c'est que c'est l'histoire de Paul, donc, qui est gay. Enfin, c'est ce qu'il a fait croire à sa colocataire Marie. Mais quand la sœur de Paul, Cathy, qui est jouée par c'est Anne, moi. débarque en pleine rupture sentimentale avec le caractère qu'il faut, il y a des quiproquos, des catastrophes qui s'enchaînent en fait, des révélations, donc un peu tout ça. Donc entre amour, mensonges et chaussettes sales, d'où le titre. D'accord. Donc voilà, en fait, c'est comment ils vont s'y retrouver. Donc c'est avec quatre personnages. C'est un peu l'idée de chaussettes et match, un peu comme le tennis quand on se renvoie la balle, des problèmes. C'est d'accord. Un peu ça. Alors là, tu dis que tu vas y intégrer de la musique, du chant. Oui. Alors c'est plus une pièce de théâtre, alors quelque part, c'est un peu une comédie musicale. C'est ça. C'est comédie musicale, oui. On va mais dire tu ça. Y intègres des chansons connues ou alors c'est des chansons que tu as aussi écrites Plutôt, ouais, connues. On a voulu prendre des chansons qui parlaient un peu à tout le monde en fait, ouais. pour illustrer, ça aidait pas mal, notamment Anne qui va nous chanter du Patricia Cass. Ah, c'est vrai, tu chantes quoi par exemple Donne-moi ton cœur baby, ton corps baby. Ah, mais c'est de Patricia Cass. Non, pardon, mon mec à moi. Façon Patricia Cass peut-être. Avec la voix de Patricia Cass. Vas-y, fais-le. Vas-y. Non, vraiment pas. Non, je chante très mal. Mais tu serais obligé de chanter sur scène. Je suis un personnage comique en fait. Moi, c'est détourné. Même les personnages entre eux me disent que je chante très très mal. Anaïs, par contre, chante beaucoup mieux. Ah, c'est vrai, oui. Alors, Anaïs. Merci, Anne. Est-ce que tu as amené à chanter dans la pièce ? Comment ? Tu as amené à chanter dans la pièce ? Oui. Et qu'est-ce que tu chantes ? Par exemple, la version À la belle étoile dans Toi, moi, les autres. Je ne sais pas si vous avez vu le film musical. Non. Mais il y a une chanson dedans qui. Alors, à cappella, ça donnerait quoi ? Alors. À la belle étoile, quelques étoiles filantes. Mais toi, la bonne étoile, autour de tous ces figurants. Ouais. J'étais en train de la doubler, enfin. C'est ça. Ah ouais, c'est sympa. Je connais la chanson, j'ai déjà entendu. Ouais, ça dit quelque chose, mais ça me faisait penser à M, moi. Ça a été repris, vous avez raison. Par qui Par Mathieu Chédid, ouais. Ah, ça a été repris par Mathieu Chédid alors. Exact. Bah, c'est d'accord. Pour ça que je me disais. Bah oui. Ah, bah merci Marine. Merci, avec plaisir. Et donc, ça, c'est dans une comédie musicale aussi Oui, c'est ça, c'est un film, c'est Toi, moi, les autres. Donc, d'accord. C'est pas mal aussi. Moi, j'ai bien aimé justement l'idée de. Enfin, ils ont vraiment intégré les musiques pour exprimer tout ce qu'ils pensaient. Et c'est pas mal, accompagné de quelques chorés. Enfin, mais c'est tout ce que j'aime. Après, il faut donc aimer en plus, la comédie musicale. Il y a de la chorégraphie. Y a Alors, dans ma pièce, il y a une chorégraphie à un moment, en fait, plus pour le ton de l'humour. C'est la chorégraphie de Dirty Dancing, celle de la fin, en fait, pour les colocs, les deux colocs, donc Marie et Paul qui s'entendent et qui fait bien. Porter alors. Et bien justement, il faut venir pour voir. D'accord. Bien joué. C'est ça. Ouais, ça c'est bon. Et donc ce sera au mois d'avril à la boîte à rire, mais évidemment on va en reparler puisque vous restez avec nous pendant toute l'émission. Et vous allez découvrir évidemment les chroniques de Marie, les chroniques de Sherlock. Et on reparlera avec évidemment. Plaisir. Donc, ben voilà. Et on reparlera bien sûr de la guerre des garces et de show, set et match. Donc tout ça qui se jouera donc à la boîte à rire à Lille. Juste après donc ces deux chansons, il y a Louise Attaque. Ouais. Voilà. Et ensuite, alors, un titre qui date de l'année de naissance de Marine. Ah, bah alors justement, c'est le moment où jamais. Ah. Pourquoi parle-t-on de l'année de naissance de Marine? Parce que c'est son anniversaire. Aujourd'hui, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Marine. Arrêtez, je vais rougir. Alors, par décence, on s'en fout, c'est de la radio. Par décence, on va pas donner son âge. Parce que ça se dit pas qu'elle a 26 ans, franchement. C'est vrai. Et donc, on va rester discret. Hein? Mais alors, donc, le deuxième titre, je pense que ceux qui l'anniversaire aiment... de Patrick Sébastien. Ah non, non, pas du tout. Non, c'est pas un titre d'anniversaire, c'est juste que c'est sorti cette année-là. Alors, le titre de base fait 12 minutes, le clip fait 7 minutes, et la version radio fait 5 minutes 20 et quelques. D'accord. Donc, c'est quoi? C'est Meatloaf. I do anything for love. Ah ouais. Oh, j'aime bien. Et d'ailleurs, je pense que derrière on entend la voix de Bonnie Tyler. Alors je sais pas parce que. À vérifier, mais parce qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble. Mais, ouais. Eh ben on s'écoute ça alors. Super. Je vis toujours des soirées parisiennes et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne et vivre au vent, à feu, à sang. M'ouvrir au sentiment. Commencer par voir si l'amour va s'en plein. Et si Lucien, il a perdu son chagrin. Je voudrais t'emmener au-dessus d'un volcan. Brûler mes os, faire transpirer mes sentiments. Et je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées brésiliennes. Et t'emmener au salut les bas, chanter des chansons. Chanter tout bas notre amour pour les quatre saisons. Commencez par voir si c'est pour aujourd'hui. Ou bien tout ça, si c'est pas compris. Tu devrais bénéficier de ton absence. Je voudrais savoir pour ce soir. Et je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées brésiliennes. Moi je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne. I'll never forget the way you feel right now. Oh, won't do that. Some days it don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. And some nights you're breathing fire, and some nights you're carved in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before or will again. And maybe I'm crazy. Oh, it's crazy and it's true. I know you can save me. No one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars are burning, as long as your dreams are coming true, you better believe it. That I would do anything for love. Oh, some days I pray for soul. Some days I just pray to the god of sex and drums and rock and roll. And maybe I'm lonely, that's all I'm qualified to be. That's just one and only promise I can keep. As long as the wheels are turning, as long as the fires are burning, as long as your dreams. FM. Et oui, donc c'était Meat Loaf avec... Non, non, je voulais demander à Marine qu'elle nous répète le titre. Non, je ne l'ai pas retenu, Avant, on va demander à Anaïs de nous rappeler le titre. Je connaissais Meat Loaf, mais tout court. Charlotte, tu donnes une fois le titre et Marine le répète. Ok, fais-moi plaisir. Donc le chanteur c'est Meat Loaf ouais, et le titre c'est I Do Anything For Love. C'est chiant. I Do Anything For Love. Ah bah c'est bien. Moi j'ai peut-être très bien. Pas mal, c'est merci, pas merci, merci, merci. I do. Bah, je ferai tout. Je ferai n'importe quoi pour l'amour. C'est beau. Ah non, c'est tout. Anything. Ouais. Alors vous non, tout c'est all. Mais... Je ferais n'importe quoi pour toi. C'est n'importe quoi. Oui, c'est à toi que je parlais. Oh, oh, oh, oh. Bah, dis donc. Attends, je vais chercher un slow. Attends, deux minutes. Tu peux faire une coupure musicale. Et bah attends, je crois qu'après je vais mettre du Billy Ocean. Bah oui, pour Marine. Bah, bien sûr, ce titre, lequel déjà When the going gets tough, the tough get ouais, going. Ouais, non, ouais. Garde mon titre. Je répète pas ça, moi. Alors par contre, tu vas nous parler d'un super événement, je crois. Ouais, qui va se passer. Bon, ce sera pas par ici, ce sera au Stade de France, mais c'est Rocking 1000. Parce que je sais pas dire 1000 en anglais. Rocking 1000. Voilà. Et c'est organisé par Philippe Manœuvre. Donc je sais pas si vous. Oh, salut, c'est Philippe mec. Manœuvre. Rock and roll. Il enlève jamais ses lunettes. C'est ça, ouais. Et donc c'est le. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos où il y a 1000 musiciens qui reprennent du Nirvana tous ensemble. Pas forcément du Nirvana, mais. C'est Nirvana qui a été le plus vu. Ouais. Et du coup, ils vont faire ça au Stade de France. Donc ils recherchent 1000 musiciens, il y en a déjà 700. Donc, ouais. Appel aux candidatures. Mais alors, tout type de musiciens ? Ouais, tout type de musiciens, mais bon, c'est au final pour jouer 2 heures de Rammstein, de Led Zeppelin, de Doors. De Nirvana, la flûte, ça va être compliqué quand même, je crois. Ouais. Ah, parce que tu fais de la flûte, toi. Bah écoute, Il faut que ce soit audible, t'imagines. Il faut être super synchro, en fait. Ouais. Et en fait, il faut avoir 16 ans minimum, envoyer une vidéo où on joue un titre qu'il y a dans la liste, en fait. Ouais. Et donc, c'est pour jouer au Stade de France devant 55 000 personnes. Et donc, ce sera un concert géant de 1000 musiciens. Waouh, c'est génial. En tout cas, l'idée exceptionnelle. Tu es musicienne, Anaïs ? Non, du tout. Anne ? Oui, pianiste. Ah, bah, peut-être que tu pourrais te proposer. Bah un piano au milieu de 1000 musiciens, je peux le ramener, ouais. Il y aura certainement, ouais. Je vais postuler, ouais. Non, mais il y aura certainement des pianistes. Hein, ouais. Peut-être piano électrique, quoi. Mais, ouais. Mais elle joue très très bien au piano. Ah ouais, mais toi, c'est du classique. Piano classique, je veux dire. Pas du synthé. Non, bah les deux, je peux. Ouais, enfin, forcément, si tu sais jouer du piano. Clavier. Ouais. Un clavier. Pour la prochaine fois, tu prends un clavier. Bah écoute, ça marche. ça c'est une bonne info, c'est sympa. Oui. Sherlock, on se fait une coupure musicale, donc oui. Un petit slow pour Anaïs et moi. Et puis. Chiche. Non, mais j'entends vraiment la chiffre. Et puis, juste après, ça va être l'heure de retrouver la rétro ciné 80. Oh, pas tout de suite. Ah non, c'est pas tout de suite. Non, c'est à 21h. Non, avant, je peux vous faire les. On va tester les petites phrases, les résumés de films. Voilà, on va tester donc Anaïs et Anne qui font actuellement donc des études dans le cinéma. Exactement. Voilà. Donc sur Lead. Et on va les tester pour savoir si justement il faut qu'ils continuent ou qu'ils arrêtent. C'est ça. Donc, si elles ne trouvent pas, elles se taperont la honte en plus parce qu'elles sont suivies par plein de monde. C'est voilà. Ça. Voilà. Alors justement, si vous voulez nous balancer un petit com sur notre page 120 au compteur et que vous souhaitez qu'on le retransmette donc Anaïs et Anne, n'hésitez pas. Hein, donc la page c'est 120 au compteur sur Facebook. Donc vous demandez pour. Le groupe 3 si vous nous entendez. Aucune moquerie ne sera acceptée. Merci. Si, nous on accepte tout. Si, nous on accepte tout. Absolument toutes les moqueries. Toutes les moqueries seront acceptées. Accepté, hein. Allez, on se fait juste une petite coupure. Oui, vas-y. Aïe. Allez, non. Avec Frédéric Goldman's John et 1, 2, 3. Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Je regardais tomber mes nuits et j'en attendais rien. Moi, à Springfield, Massachusetts. La vie coulait comme de l'eau. Un matin j'ai pris perpète en ouvrant la radio. Ça s'appelait rock'n'roll. Moi, ça me rendait fort. Moi j'y ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien mais que ça sonne. Ça faisait 1, 2, 3 que tu m'aimais, 4, 5, 6 années, 7, 8, 9, can't get enough, 10, 11, 12, I ain't got the blues. 1, 2, 3, come on baby, 4, 5, 6, a kiss, 7, 8, 9, you're on my mind, 10, 11, 12, tell me when. Il paraît qu'il y en aurait qui se donne pour de pouvoir, pour de l'or. Chacun sa façon dévoiler son âme. On est plein pour ceux qui s'ignorent. Moi quand j'entends l'intro de Hey Joe, en ce que from bien qu'aucun mot. Rien ne me met dans le même état que la voix d'Aretha. Ça s'appelait rock'n'roll. California makes a sound. Sur la fréquence, premier sur les hits, RLM tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours. RLM, 107.9 FM. Et oui, toujours sur RLM en compagnie donc de Anaïs et Anne. Donc pour deux événements, donc il y en a un, c'est bien sûr la guerre des garces, la boîte à rire que vous pouvez aller voir donc du 23 au 26 janvier. Donc c'est à Lille. C'est vrai qu'il faut le dire, hein, c'est rue Gambetta à Lille. Oui. Donc la boîte à rire. Et puis aussi sont venus nous voir pour une nouvelle création, hein, donc show, set et match. Qui va avoir lieu donc au mois d'avril. Les dates donc c'est du 3 au 13 avril. C'est ça. Toujours à la boîte à rire. Toujours. Voilà. Donc ce que je vous propose, puisque Sherlock a envie de vous tester, puisque vous faites des études dans le cinéma. C'est ça. Oui. Eh bien c'est le moment de vérifier si effectivement vous suivez bien les formations, cette formation-là en l'occurrence, puisque tu vas nous proposer. Oui, alors c'est des petites phrases, c'est une phrase ou vraiment deux phrases très courtes qui résument en fait un film. Alors c'est pas forcément tout le film, mais ça peut être un fait marquant dans le film. Ouais. Je vais commencer par. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va faire deux équipes. Ouais. Moi, ça marche. Oui, après leur slow, je vais rester avec Marine. Bon, d'accord, bah, moi, ça marche. Choix, je vais me mettre avec Anaïs. J'ai pas, fait deux. J'ai pas le choix. Ok, allez, on va commencer avec une simple. C'est l'histoire d'un mec sur un banc qui raconte sa life en bouffant du chocolat. Ça y est, ça va m'énerver. Bravo. Un point pour Anaïs, c'est moi. On peut taper sans le buzzer. Ouais, on a un buzzer. Non. Alors, on va continuer. Je vais essayer. Rocky. Pas du tout. Non. Alors, c'est une meuf riche laisse un pauvre crever de froid alors qu'il reste de la place sur sa planche. Bravo. Ah, bien joué, bien joué. Alors, ça j'avais. Alors, c'est une meuf riche qui laisse un pauvre crever de froid alors qu'il reste de la plage sur sa planche. Comme ça, c'est une perte, apparemment. Oui, bon. Ah, c'est bah, si, sinon, j'avais une deuxième phrase pour Titanic, c'était le défi du Ice Bucket Challenge qui tourne mal. Mais c'est pas une planche, c'est une porte, non? Oui, c'est une. C'est une planche quand même, quoi, à la base. Hein. Alors. C'est un mec dans une forêt qui embrasse un cadavre pendant que sept autres mecs la regardent. Blanche-Neige! C'est ça. Ok. Alors attends, tu casses le mythe là. Ah bah oui, mais forcément. Tu casses le compte. Ah ouais. Complètement. Oh, allez, celle-là elle est facile. Parce que t'es génial, un alien fait des attouchements avec son doigt à un enfant. E.T. Ah ouais. Bravo. Attouchement, attouchement. Je pensais que Marie ne serait partie au quart de tour là-dessus. Hein. Ah, je suis deg. Alors, 3 pour Anne et Marine. Et puis, allez, on va en faire une un peu plus compliquée. C'est l'histoire d'une fille qui doit choisir entre devenir nécrophile ou zoophile. L'exorciste. Non. Nécrophile ou zoophile. Alien. Non. Belle et le clochard. Pas du tout, c'est une saga en 3 films. Nécrophile ou zoophile. 3 ou 4 films, je crois que le dernier a été fait en 2. Twilight. Oui, bravo. Ah, elle doit choisir entre un vampire ou un loup-garou. Oh, bien, ouais. Et là, pour une fois, Marine est contente. Oui, bah, alors, mais oui, laisse-moi profiter de cette instant. Attention, un gars joue au Schtroumpf en réalité virtuelle et en fait. Avatar, oui. C'est ça. Alors, je vais finir en terre. Après, on a 5 points. Écoute, moi, je t'ai entendu toi. Maintenant, c'est peut-être parce que t'as gueulé plus fort dans le micro. On a tellement de points que je voulais. Ok, bon, je vais quand même finir ma phrase. Donc, c'est un gars joue au Schtroumpf en réalité virtuelle et en fait, on se rend compte que c'est juste Pocahontas en vachement plus cher. Ah ouais, pas mal. Mais c'est pas toi ça. Non non, j'en ai repris. J'en ai sorti quelques-unes, mais tout n'est pas de moi. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui voulait juste écrire son bouquin tranquille, mais tout le monde l'emmerde, alors il se bourre la gueule et fait des bêtises. Jumanji. Non. Ah non, il veut écrire un bouquin, il veut pas jouer, il veut écrire un bouquin. Ah, c'est Misery. Non. Non, avec celui qui fait Very Bad Trip. Non. Non. On en a parlé tout à l'heure. Allez, plus on en a parlé tout à l'heure. Alors, j'en ai parlé hors antenne avec Anne et Anaïs. Comme quoi, tu avais donné en donnant un indice, tu avais donné. C'est ça. Ah ouais, bah attends. Jack Nicholson, là, si tu veux parler. Bah, ouais. Tu sais ce qu'on va faire. On va comptabiliser pendant la coupure musicale. Excusez-moi. Et on va pour la deuxième. Ça va. Jack Nicholson. Deuxième manche, allez, après la coupure. guetter, viens donc faire un tour à l'ambé. Tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à l'ambé. Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à l'ambé. Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à l'ambé. Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à l'ambé. Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à l'ambé. Y'a du chouchène à volonté, viens donc faire un tour à l'ambé. Y'a du chouchène à volonté, viens donc faire un tour à l'ambé. Squatter, viens nous faire un tour à l'ambé. Si t'as rien trouvé pour squatter, viens nous faire un tour à l'ambé. Si ton mec vient de te plaquer, viens nous faire un tour à l'ambé. Si ton mec vient de te plaquer, viens nous faire un tour à l'ambé. Si du bouquin tu veux jeter, viens nous faire un tour à l'ambé. Si du bouquin tu veux jeter, viens nous faire un tour à l'ambé. Si pour Mélo y a plus d'entrée, viens nous faire un tour à l'ambé. Si pour Mélo y a plus d'entrée, viens nous faire un tour à l'ambé. Et on est de retour donc à l'antenne de RLM dans l'émission 120 au compteur pour le deuxième round des résumés de films. Alors je rappelle que Anaïs et moi-même on a 5. Non, ouais, voilà. On et est à Anne 2. Ouais. Non, 5. 5 pour Anne. On vous a donné Marine, un point. Et puis 2 pour Anaïs et moi. Et pour Anaïs. Okay. L'écart va bientôt se creuser. Ouais. Alors. Alors là, c'est un dessin animé. Ouais. Le Roi Lion. Pas du tout. Une fille développe le syndrome de Stockholm alors qu'elle est séquestrée dans un château. Réponse. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Tu peux pas. En plus, Marine a mis sa petite couronne puisque c'est son anniversaire. C'est donc une princesse. Ouais. Je suis princesse Marine. Allez. Celui-là. Celui-là de résumé, il est facile. C'est un fantôme et il ne le sait pas. Non, et il parle à un gosse qui voit des fantômes. Ah, le sixième sens. L'écart qui se creuse. Harry qui nous fait tous les films de fantômes. Sauf celui-là. J'ai répété. Allez, là c'est une saga. C'est l'histoire épique de comment les problèmes d'une seule famille pourrissent continuellement la galaxie tout entière. La truche. Star Wars. Non, c'est pas Star Wars. Il a parlé de galaxie. Star Wars. Les tuches. Les tuches. Je vois pas trop les tuches dans la classe. Je veux changer d'équipe. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Viens avec nous. Déjà qu'ils sont partis aux États-Unis. Une alors. Fois, je suis ton père. N'est pas 15. C'est ça. Dire deux fois, je suis ton père. N'est pas 15. Il y a pas tuches. Allez, attention. Film, on va dire plus récent. C'est l'histoire d'une fille qui devient tellement intelligente qu'elle se transforme en clé USB. Ah si, c'est un prénom. Si. C'est un prénom. Lucie. Oui, bravo. Ouais. Ouais. C'est le regard de Harry désespéré. Ça compte double. Tu sais ce que ça compte double quand même. Vous l'aviez pas trouvé. Ah, attention. Là, je suis sûr que tu peux le trouver, Harry. On y va. Écoute bien. Donc, c'est l'histoire d'un chrétien raciste, patron d'entreprise, qui en quelques jours devient noir, terroriste arabe et rabbin en promettant tout et ne donnant rien. C'est un rapport avec Macron ? Pas du tout. Non. Alors, oui, alors là, celle-là, C'est l'histoire d'un chrétien raciste, patron d'entreprise, qui en quelques jours devient noir, terroriste arabe et rabbin en promettant tout et en ne donnant rien. Rabbi Jacob ? Oui. Ah. J'allais dire, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Pas du tout. Non. Pas du tout. Rabbi Jacob. C'était raciste aussi. Ouais. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui est au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui visite un immeuble par les conduits d'aération. Piège de cristal. Bravo. Mais arrête. Allez, on remonte. Il y en a qui trichent. Mais ouais. Allez. Un père vénère va retourner tout Paris pour retrouver sa fille juste parce que la gueule lui a dit bonne chance. Ah, c'est Harry. J'ai dit avant. C'est son anniversaire, c'est Marie. Alors Paris, c'est le. C'est mon anniversaire. Non. 6 à 8. Il en reste combien là ? Oh, je sais pas. Non, fais-en. Parce que j'en passe entre deux. Hein. Allez, on va dire. Ça stresse. Une travestie part à la guerre avec un dragon et un criquet. C'est un dessin Milan, animé. Milan. Oui, bravo. J'allais dire qu'il m'a joué. Et qu'est-ce qu'elle vient faire là, la travestie? Bah, parce qu'elle se déguise en garçon, en fait. Ah bon? Pour partir à la guerre. Eh okay. Ouais. Moi, je vois plus. Tu mets pas vraiment les points, là. Si. Alors, un homme meurt d'une drôle d'appendicite de l'espace et ses camarades vont avoir besoin d'un gros vaccin pour éradiquer le microbe. Alien. L'aventure intérieure. Qui a dit Alien? Moi. L'aventure. Bravo. C'est notre équipe. Hein, moi, qui bon, c'est Alien. Non, je crois que c'est moi qui l'ai dit. Je prends une part de gâteau. Allez, un film assez récent. Un scientifique voyage jusque l'autre côté de la chambre de sa fille. Interstellar. Bravo. Ah, okay. Oh, c'est trop bien, ce film. Mais t'es pas avec moi, toi. Non, je garde ma coéquipière. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Qu'est-ce que j'ai pas cité? Allez, celui de la mort. C'est-à-dire que celui qui répond, il a gagné. C'était ce genre d'idée. Allez, un gars sous stéroïde gagne la guerre grâce à un frisbee. Ah, Captain America. Bravo. C'est joli. Celle que j'ai trouvée. Sacré muscle. Bien. Captain America, effectivement. Bien. Bon, là, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bah ouais, allez. Et on peut faire une coupure musicale, voilà, c'est oui. Tout. Et puis, Parce que t'as perdu. T'es dégoûté parce que t'as perdu. Hein. Mauvais voilà, joueur. On félicite parce que c'est son anniversaire. Bravo Marie. Marine, de l'équipe de Marine et de Anne. Voilà. Et qui a gagné. T'as droit à ma couronne. Bon, à quelques points près, hein, je veux dire. Voilà. Allez, bon, on va faire une petite roulette song. On va demander aux gagnantes, justement. Oui. Voilà. Et alors, moi, je vais rajouter un petit truc, c'est que dès qu'on vous donne le titre, il faut le chantonner. Voilà. Ah, alors, je suis d'accord. On va commencer avec Anne, avec les chansons françaises. Oh, but. Oh bah, t'es marrante. De quoi ? Merci, bah, vas-y. C'est des roules, là ? Vas-y, oui. Stop. Alors, MC Solar avec Hasta la Vista. Oh, quand même. C'est bon. Ouais. Ah, tu pourrais faire l'anglais. Allez, donc on est parti avec Marine et la chanson internationale. Stop. The Calling avec Wherever You Will Go. Oh, j'aime bien. Bah maintenant tu vas nous chanter. Bien alors. C'est pas nanana, c'est Whenever You Will Go. Non mais c'est ça, j'ai reconnu l'air, c'est vrai. Eh ben, allons-y. Allez. Siempre que viva la revolución, rapero número uno, el grito en la canción. Soy en el papel del líder como Fidel Castro. Tengo el micrófono, amigo, cuidado. Solar, soy al mismo tiempo serie star, estrella. La gente de India me llama star. Pasta rap de Barcelona, de Costa Rica, Alianza, tercer mundo, Sudamérica. A mí me gustaba la chica, le llama Raquel. Tengo la voz, la fuerza, estilo y papel. Si te gusta, vas a bailar como Ibiza. Soy como el sol, sol, hijo de África. Hasta la vista. Près de l'hacienda où la chica du nom d'Esmeralda faisait la fiesta. Comme par hasard elle me commande une pan chorizo. J'ai compris le complot cuando la fille me dit te quiero. Amigo, dans le barrio on se pavane et sec. Sex 6 jours sur 7 et qui n'a pas de prise de tête. Mais ça n'a pas plu à certains pistoleros. Bagarre tel Valera, de vraie tête de Villero. Expulsé de la ville, tel un sans pape. Seul sans barrier, isolé, tel un gâteau sans pape. Quand je pense à toi Rachel, Esmeralda, j'en ai la gorge serrée mais bon, j'ai des valdas. Hasta la vista. Bien avant mi watch, marche solo. Tel un orphelin dans la poche de biatch. Y'a des noirs, chouins, chanquettes et des gringos, des gringoles. Y'a des ponchos sous les sombreros. À contre-jour, Esmeralda DS. Les yeux pleins de liesse, sort du Pony Express. Elle me dit pas mono, je réponds yes. C'était Bonnie and Claude dans Notre-Dame de Barbès. Hasta la vista, générique final. Hasta la proxima, on part vers l'ouest à cheval. Tout le monde se lève, il n'y a plus personne dans le ciné. Le film est terminé, mais j'entends chanter. Down low, I'm going wherever life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you. La musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et oui, donc toujours dans l'émission 120 ton compteur, et on vient d'écouter Fradamé avec Fradamé. T'as trop lu Danny Boone. Fradamé. C'était quoi? C'était The Calling avec Wherever You Will Go. Ah ouais, ok, super. Non mais j'adore, hein. C'est un super. Mais ça fait un peu style série américaine. C'est peu importe où tu iras. C'est romantique ce soir. Anaïs. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Non. Alors Anaïs, vous pouvez la croiser aussi de temps en temps, on peut le dire. Oui. Au singing. Maintenant. Ah pardon. Malheureusement, ah, bah, avec le théâtre, tout ça, je pouvais t'as pas trop mêler, mais avant oui j'étais aussi. Nous pouvions la croiser. D'accord. Bah oui, c'est là qu'on a eu l'occasion de se croiser au singing studio. Et, on l'a bien taquiné d'ailleurs. Allez, on va vous taquiner encore puisque c'est le moment du. Du rétro ciné. Alors, et tu vas nous faire le fameux jingle à la bouche. Ah, si, tu vas nous le faire. Non, le Zeus, Harry. Montons vite dans la DeLorean. Et repartons vers l'année 1994. Alors, c'est quel film? On aurait dit le vrai. De retour vers le futur. Ouais, c'est ça. On aurait dit le vrai. On aurait dit le vrai, ouais. Avec beaucoup plus d'années. Oui, c'est ça, ouais. Attends, je tire un peu sur les cheveux pour faire comme lui. Alors, donc, oui, effectivement, je vais vous expliquer un petit peu le principe de la chronique rétro-ciné. Tu vas vous expliquer le principe. Ouais. Pourquoi un petit peu? C'est vrai. Hein, c'est vrai que j'ai tendance à dire un petit peu. Ouais. C'est con. On a tous des petits tics. Ouais, un tic de langage. Donc je vais vous expliquer le principe de la chronique rétro-ciné. J'ai regardé un film cette semaine. C'est pas vrai du tout. C'était la semaine dernière. Donc je vais essayer de vous faire deviner ce film en vous passant donc soit des extraits du film, soit des musiques du film, soit en vous donnant des petits indices comme le réalisateur, la personne qui a fait la musique du film, ou les acteurs, ou d'autres choses. Et ensuite, on reviendra avec... donc après une musique, on reviendra pour parler des anecdotes. Bien. Alors donc, je commence avec le réalisateur qui est Simon Windsor. Ah ouais. Ça te parle? Intéressant. Ouais. Simon. Simon Windsor. Ouais, ça fait penser à Paul Simon et. Ouais, et Windsor Garfunkel. Ouais. Alors bon, le film est sorti exactement le 9 février 94. Un mercredi. Oui. Effectivement. Et la musique est de Basil Poledouris. Ah. Ça, par contre, Basil Poledouris, il est connu notamment pour avoir fait la musique de Conan le Barbare, je pense. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est pas Conan le Barbare, hein, forcément le film. Parce que Conan c'est en 82. D'accord. Alors, le film a fait 1 285 118 entrées au box-office français. Mm-hmm. Ce qui est pas trop mal. Je le savais. Ouais, pas trop mal pour l'époque. Je vais vous donner quelques noms d'acteurs, notamment Michael Bacall, Michael T. Williamson, Michael Ironside, Michael Madsen, Jane Atkinson, Laurie Petty et Jason James Richter. Alors Michael Ironside, il est connu. C'est en quelle année tu dis? En 94. Ah, j'ai peut-être un indice, alors attends. Alors vas-y. Deux semaines. Non, ça me parle pas là. Ah non. Ça me parle pas. Je vais vous passer un premier extrait. Il n'y a pas qui écarte les jambes? Ah non. Non. Enfin, je ne l'ai pas vu en tout cas, je me suis peut-être endormi pendant ce temps. Mais elle est connue pour ça. Pour avoir un moment joué dans un film où elle écarte les jambes. Ah, non. Tu pensais à quoi? À Total Recall. D'accord. Ah non, je pensais que tu allais me dire la même chose que toi, gros dégueulasse. Sharon Stone a joué dans Total Recall. Ah, oui, non, elle faisait la femme de Schwarzenegger. Et deux semaines, c'est à un moment, c'est Schwarzenegger qui s'énerve. Non, mais c'est pas ça. Je vais vous passer donc une musique du film. C'est le thème du film. Écoutez bien. Je vais mettre un petit peu de son dans le studio. Je pense que tout le monde l'a déjà alors trouvé. Alors, il y a un indice du côté de Anne. Anne, tu nous donnes un indice ? Aquatique. Oui, d'accord. Effectivement, c'est aquatique. Et si moi, je surenchéris en disant Robin des Bois, est-ce que je suis dans le vrai ? Robin des Bois ? Aquatique, Robin des Bois. Non, pas du tout. Non. D'accord, non, c'est parce qu'il y a un acteur en commun avec Robin des Bois. Il y a une mission sauvetage. Michael Ironside. C'est un gros indice. Non, moi, je pensais à Kevin Costner. Ah non, pas du tout. Je pensais à Aquatique, je pensais à Waterworld. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais vous passer un extrait du film, écoutez bien. La baleine est toujours pas prête. Pendant ce temps-là, nos frais augmentent. Et Ray demande un bassin plus grand. Bravo. Dire que j'ai acheté cette baleine pour stimuler un peu le business. Installons-la carrément au Ritz. Ça s'ajoutera à l'assurance, vu qu'il y a déjà les $5,000 que je règle comme prime. Elle vaut plus cher morte que vivante. Ça va nous coûter dans les $1,000 de faire agrandir le bassin de cette baleine psychotique. Hein? Oh nom de Dieu, ce que je l'ai, cette baleine. Alors, je suppose que ça vous parle encore plus. Encore plus. Ah, Harry, ça lui parle pas. Tiens, alors, est-ce que c'est juste un nom? Non, c'est deux mots. Rigolement des étudiants ton cinéma, là, qui n'avaient pas trop de niveau, là. Bah ouais. Bon, allez, pour Harry, je te passe un autre extrait du film. Écoute. Bah ouais, vas-y. Personne ne vole une baleine. Puisque je vous dis qu'elle est plus là, la remorque a disparu, on a tout chauffé nous, ça doit être un coup de la dresseuse et de l'Indien. C'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que la baleine n'est pas assurée contre le vol, voilà pourquoi. Appelez Wilson, dites-lui d'amener ses gars. Alors, mais est-ce que c'est vraiment une baleine dans le film ? Oui. C'est assez. C'est presque une baleine. Ça fait partie de la famille des baleines. Ouais, bah donc ouais, c'est oui, d'accord, c'est un verbe plus un prénom. Oui, c'est ça. Ah c'est ouais. Ça, ouais. Ouais, mais ils disent baleine, c'est pas une baleine. Bah non, mais ça c'est le directeur du parc en fait qui l'appelle la baleine. Ah ouais. Donc, ouais, effectivement. Alors on va s'écouter une musique qui est tirée du film et on revient juste après. Michael Jackson. Eh ouais. Eh ouais. Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Could you be there? Scold me, where lost will you find me? But they told me I'm meant to be faithful and walk when I'm able and fight till the end, but I'm only human. Of another tomorrow. let you part. For you're always in my heart. RLM 107.9 FM. Voilà. Excusez-moi, c'est de la reprise. Juste au moment où j'ai déglutit, je reviens à l'antenne. Voilà. Voilà. On ne cache rien dans cette émission, on vous explique tout. Donc, oui, c'était Michael Jackson avec le titre Will You Be There. Will You Be There. Et qui est sympa. Hein. Ouais, qui est donc la musique, le générique du film. Et là, vous pouvez dire le titre. Les dents de la mère. Non, c'est pas ça. Sauver Willy. Sauver Willy. Sauver Willy, effectivement. Ouais. Alors, Sauver Willy, donc je vais vous expliquer un petit peu le pitch du film pour ceux qui ne l'ont jamais vu, parce que c'est possible que les gens ne l'aient jamais vu. Donc, c'est un orque mâle qui est capturé puis vendu à un delphinarium, le Northwest Adventure Park, pour y être dressé et exploité. Jesse, préadolescent abandonné par sa mère rebelle à l'autorité et fugueur, est arrêté pour vandalisme au cours d'une fugue et placé dans une famille d'accueil qui désire l'adopter. Il doit nettoyer ses graffitis au delphinarium et y fait la rencontre de Willy. Jesse parvient rapidement à se faire accepter de Willy, qui devient son meilleur ami. Jesse devient même dresseur, mais l'animal ne coopère pas au spectacle qu'on attend de lui. Dès lors, le propriétaire du parc va tenter de s'en débarrasser. En fait, il veut supprimer l'orque pour toucher l'assurance. D'accord. C'était beau. Alors on va le refaire avec les intentions de jeu. Ouais. Oui, bon, ça. Non, mais sérieux, ça. Mais justement, moi j'avais une question. Le titre original, c'était quoi en anglais? Free Willy. Ah ouais, vraiment. C'est libérer Willy, en fait. Ouais, parce que Willy, quand même, ça veut dire quelque chose. Bah, c'est le prénom de l'orque, en fait. Hein. Ouais, mais ça, c'est un surnom aussi, Willy. Oui. Bah, c'est, ouais. Voilà, qui. Enfin, vu la taille de. Ouais, mais vu la taille de l'engin, c'est pas un Willy. Willy, c'est un petit pénis. Oui, c'est ça, justement. Voilà. Donc c'est pour ça que tu j'ai pas tout suivi là. On a Willy en anglais, Willy c'est un petit pénis, c'est pour dire pénis. Petit kiki quoi. Voilà. Mais bon, vu la taille de l'orque, c'est pas un petit kiki. C'est pour ça que Canon souvent on l'appelle Willy. Si tu nous écoutes. C'est ça. Alors j'ai quelques petites anecdotes sur le film. Il faut savoir que Jack Nicholson a refusé le rôle du méchant, prétextant le faible salaire offert. Ah bah oui. Tu vas être déçu. C'est la première apparition au cinéma de Jason James Richter, donc celui qui joue Jesse. On le retrouvera donc dans les deux suites du film, parce que oui, il y a eu trois Sauver Willy en fait en tout. Ah, d'accord. Il y en a même eu un quatrième, mais qui n'a rien à voir en fait avec cela. Et comme toutes les suites, c'est un peu mauvais. Oui. Ouais, et on le retrouvera quelques années après dans L'Histoire sans fin 3. On parlait tout à l'heure de L'Histoire sans fin. L'Histoire sans fin 3, il joue dedans. Alors. Alex Vincent, donc Andy dans la série des Chucky, auditionna pour le rôle de Jesse. Dans la série des Chucky. Ouais. Le gamin. Ah oui, le gamin, ouais, d'accord. Ouais. Alors à l'ouverture du film, l'un des navires baleiniers porte le nom de Pequod, P-E-Q-U-O-D. Donc c'est un clin d'œil au navire baleinier de Moby Dick. Mais non. Ah. Quoi, mais c'est voilà. Intéressant. Ah, je crois qu'il disait mais non. Non, c'était sincère. C'était. Ah oui, d'accord. Alors à la fin du film. Donc à la fin du film, pour ceux qui ont vu le film, à la fin du film, donc il y a un générique avec des. Ouais, non, mais après que Willy ait franchi la digue en fait, le mur, Jesse parle à haute voix, disant au revoir à Willy. La scène rappelle très bien la fin des Goonies, quand Mickey se parle à lui-même et dit au revoir à Willy le borgne. Les deux se ressemblant même sur le ton de la voix, il le dit vraiment sur le même ton. J'ai écouté par rapport au film des Goonies. Donc les deux films se déroulent dans le nord-ouest du Pacifique et ont été tournés à Astoria en Oregon. Donc ça a été tourné au même endroit. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil en fait au film. Et l'Oregon est une très bonne épice. Oui. Alors le film donc a été suivi par Sauver Willy 2, la nouvelle aventure, sorti en 95, puis Sauver Willy 3, la poursuite, en 97. En 2010 donc est sorti un nouveau film mettant en scène une nouvelle héroïne intitulée Sauver Willy 4, le repère des pirates. Le film n'a aucun lien avec les trois précédents, mis à part l'orque qui est prénommé Willy également. Une série animée est également sortie en 95. Ah bon ? Ouais. Il y a eu je crois une vingtaine d'épisodes. C'est sorti aux États-Unis, enfin c'est sorti après sur les chaînes, je pense Nickelodeon en France. Donc ça a fait vraiment un flop, succès d'estime. Ah, on va dire les choses, t'as ouais. Alors donc Lorke Keiko, vedette du film, est décédé à l'âge de 27 ans, le 12 décembre 2003, des suites d'une pneumonie. Mais maintenant, j'ai encore un an. Oula, encore Marine. En fait, vous êtes en train de me comparer à un orque, là. Mais du coup, elle est morte prématurément. Non. À 27 ans, c'est jeune, non? Non. Ouais, alors, pour un orque en captivité, c'est vieux. Ah ouais? Ouais. Normalement, ils vivent environ 12 ans en captivité. Et là, elle est morte à 27 ans, donc des suites d'une pneumonie dans le fjord norvégien d'Arasvik, près de Halsa. Un cairn indique l'emplacement où elle a été enterrée, sur la plage de Taknes ou Takne, je ne sais pas comment. Ouais, donc un cairn, c'est un empilement de cailloux. C'est vrai. Pour ceux qui connaissent un petit peu des empilements de pierres comme ça, ça s'appelle un cairn. Alors le générique de fin du film n'est autre que la chanson Will You Be There de Michael Jackson. Jason James Richter fait d'ailleurs une apparition dans le clip. Je crois qu'il y a un jeu de mots. De quoi? Will You Be There, Will You Be There. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas, ouais. Et après la sortie du film, des millions de cinéphiles ont appelé le numéro indiqué à la fin du film, parce que oui, il y avait un numéro qui était noté, et 20 millions de dollars ont été donnés à la fondation Save the Whales, donc Sauver les baleines. Quand même, 20 millions de dollars, c'est pas rien. Ouais, juste c'est pour, plus que le chiffre d'affaires du film. Oui, largement, ouais. Carrément. Largement. Et ben, ça vous rappelle des souvenirs, Anne, Anaïs? Par rapport aux baleines ou... Non, par rapport au film. Vous aviez déjà vu le film? Oui. Bah oui, je me doute. Donc tu vois, même si c'est pas de leur génération... Ouais, bah tu vois. Elle l'avait quand même vu. Et ce que j'ai dit, c'est... c'est pas un film même. Qui... Enfin, le scénario tient sur un timbre poste, hein. C'est un garçon qui veut sauver un orque, voilà. Bah oui, bah ouais, carrément. Vous êtes triste. Oui, c'est vrai, il y a une petite larme qui peut couler à la fin du film. Ça me faisait penser un peu à Orca, je sais pas pourquoi. Ouais, alors Orca c'était sorti en 73, il me semble. Ouais, ouais, carrément. Bon, bah, on va faire un petit coup musical. Mais bien sûr. Et puis bah, ouais. Juste après, on a Marine qui a une petite info à nous faire passer. Ouais. Oui. Allez, vas-y. Mets du brosson là. Oh, ça va. Bon, ok. Allez, c'est bon, hein. Allez, c'est parti. Mais arrête. Tu peux venir te poser sur moi. Je ne veux rien t'imposer. Reste aussi longtemps que tu voudras. Si le voyage à mes côtés peut simplement te garder aussi libre que moi, aussi libre que moi, aussi ce qui pourrait arriver. Je te laisserai sur ma peau te tatouer, à mon anneau t'accrocher, et sans barreau te garder. Je crois, aussi libre que moi,

la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Alors, si vous avez envie de vous offrir une bonne tranche de rire, vous fendre la gueule, eh bien, évidemment, il faut aller voir La Guerre des Garces avec Anaïs. C'est ça. Ouais, donc La Guerre des Garces. Des Garces, c'est dur à dire. La Guerre des Garces. Bah, quoi que show... Chaussettes et match. C'est dur à dire aussi, hein. Chaussettes et match. Ouais. Ouais, vas-y, dis-le plusieurs fois. Chaussettes et match. Chaussettes et match. Chaussettes et match. Je suis passé chez Soch. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, le dit bien. Je suis passé chez Soch. On revient donc effectivement sur La Guerre des Garces. C'est donc, ça. Qui va se jouer donc fin janvier. Alors, ouais. Date du 23 au 26 voilà. Janvier à la boîte à rire à Lille, donc dans Bêta. Et donc c'est l'histoire d'Hubert, célibataire depuis peu, qui a rencontré une fille sur internet et qui reçoit son ex en même temps. Ce qui fait que ça va créer une belle guerre des garces. Voilà. Et alors, j'imagine qu'il y a des rires toutes les minutes. Généralement, on essaye. Ah, parce que c'est le principe. Hein, On donne de nous, en tout cas. Ouais, je me retrouve quand même avec la photo de moi sur des toilettes, enfin ce genre de ah, trucs. C'est génial. Non, mais on va aller voir ça. Et ouais, il y a des infos, on peut aller voir ça sur internet. Oui, tout à fait, sur Billets Réduc. Donc ouais. On peut retrouver les places, sinon sur le site directement de la boîte à rire. Bien, alors ça c'est déjà un premier événement, il y en a un deuxième qui il est tout aussi drôle où les acteurs donnent aussi leur personne, exactement. Ouais. Voilà. Où Anaïs se retrouve nue. Une toilette. Non. Ah non, Anne. Quoique. Alors, il y aura peut-être une actrice dénudée, ce sera pas moi donc vous pouvez venir. Ah ok, bon, ça va, je dois assurer. Ce sera Anaïs, prenez vos places, c'est la faire. Je savais pas qu'ils allaient faire un Sauver Willy 5. Bien joué. Donc oui, alors donc Willy. Ça. Non. Donc la baleine Anne, oui. Donc Willy. Le moment où tu t'énerves, tu prends la place. Non, donc Anne, évidemment, donc on peut le dire que c'est une pièce qui est écrite par Anaïs. Oui. Cette pièce s'appelle donc Show, Set et Match. Donc là, ça va se jouer donc au mois d'avril. Donc ce sera du 3 au 13 avril, voilà. Toujours à la boîte arrière. Toujours à la boîte arrière. Allez, un petit pitch comme ça sur le spectacle. Eh ben, il va y avoir de l'amour, il va y avoir des disputes, des retrouvailles, des non-dits, du mensonge, enfin, des quiproquos, un peu du vaudeville, voilà, comme on avait dit tout à l'heure. Est-ce qu'on dit pas des quiproquis? Non. Non, on dit des quiproquos. Je suis allé regarder. Non, je suis allé regarder parce qu'une fois tu m'as mis le doute avec ça. Et non, c'est pas italien. On dit des quiproquos. C'est drôle, ça chante. Enfin, si vous aimez les chansons, comédie musicale, venez. Voilà, ça va être incroyable. En sachant que tu as aussi une autre actualité, Anaïs, puisque tu joues aussi dans une autre pièce. Oui, c'est ça, tout le mois de février, donc 4 soirs par semaine à la boîte à rire, c'est Mariage d'enfer, sur l'organisation d'un mariage qui tourne un peu à la catastrophe. Ah bien, alors donc du coup, à la boîte à rire, on va t'y voir tous les jours. Quoi. Oui, mais quand ça. Trouves-tu le temps de dormir, Anaïs? Ben ouais. J'installe mon matelas à la boîte à rire. D'accord. Non, mais c'est ça, c'est. Oui, matelas de place? Donc si vous voulez dormir avec Anaïs, rendez-vous à la boîte à rire tout le mois de février. Ok, donc n'hésitez pas donc à aller sur Billets Réduc ou alors directement sur le site de la boîte à rire. Oui, voilà, ça. Comme ça vous aurez toutes les infos, bien évidemment. Vas-y, tu vas nous faire quand même la phrase pour qu'on trouve le film. Ah oui, Anne, c'est vrai que Anne, tout à l'heure, alors il faut rappeler un petit peu pour les auditeurs qui nous rejoignent actuellement, tout à l'heure on a fait un petit jeu avec des résumés de films en une seule phrase. Ouais. C'était un peu humoristique et Anne nous a dit, moi j'ai une phrase. Donc maintenant Anne va nous dire sa phrase et on va essayer de deviner. C'est ton moment. Donc, prenez un homme dont la femme meurt assassinée et qui se retrouve à élever son fils handicapé tout seul, la misère, l'homme stressé, et un jour, son enfant se fait kidnapper. Donc là, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de partir à sa recherche, il part à l'autre bout du monde et il emporte avec lui sa meilleure amie, légèrement atteinte d'Alzheimer, et à vous de trouver. Et tu fumes quoi? On voit ça après l'émission. On voit l'interprétation. Bon, nous on connaît la réponse. Hein. Et justement, on va demander aux auditeurs d'envoyer des commentaires sur la page de 120 au compteur. Voilà, donc effectivement, essayez de trouver le titre de ce film. Ce n'est pas un drame français, ça peut être un indice. Ouais. Et l'homme n'est pas forcément un homme. C'est ça. C'est un père en tout cas. C'est un père. Voilà, faut dire un père parce qu'un homme. Ouais, c'est un père. C'est voilà. Un papa. Allez, bon, on se retrouve après une petite, une petite musique. On va parler de sortie Cinoche et puis moi aussi j'ai une info. Oui, ok, bah ça marche, on se retrouve tout de suite après ça. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes. Tout faire pour le cacher. 107.9 FM. RLM. Eh oui, de retour dans 120 au compteur. Alors, je vais vous faire les sorties ciné, donc pour la Belgique et pour la France. Yes. Attends, je regarde si tout n'est pas de la même date. Non. Alors, les deux premiers donc sont sortis en Belgique et en France. Donc, c'est Colette avec Keira Knightley, Dominique West et Eleanor Tomlinson. C'est un film de Wash Westmoreland. Ça se passe en 1893, malgré donc leurs 14 ans d'écart. Gabrielle Sidoni Colette, donc c'est un biopic, hein. De écrivain. Oui, c'est ça. Ah, oui. Donc, jeune fille à l'esprit vif et rebelle, épouse Willy. On en revient. Hein. La baleine. Mais juste avant. Non, c'est un autre. Écrivain aussi égocentrique que séducteur, et donc grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique parisien qui stimule sa propre créativité. Sachant repérer les talents mieux que quiconque, Willy autorise Colette à écrire, à condition qu'il signe ses romans à sa place. Ah, suite au triomphe de la série des Claudines, il ne tarde d'ailleurs pas à devenir célèbre. Pourtant, tandis que les infidélités de Willy pèsent sur le couple, Colette souffre de plus en plus de ne pas être reconnue pour son œuvre. Donc, ouais, c'est vraiment la vie de Colette. C'était la nègre de Willy. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, maintenant, quand tu regardes sur Wikipédia, il est bien noté que Claudine, c'est une série de bouquins de Colette, mais à la base, c'est sorti sous le nom de Willy. Claudine, ça donne vraiment pas envie de lire, quoi. Ouais, c'est un peu comme les Martines, hein, tu vois. Ouais. Colette qui a écrit Claudine. Il a l'air vraiment très bien. Ah oui, certainement. Non, mais alors. Ne critiquez pas trop le prénom Colette. Il faut savoir que Colette parlait. J'embrasse ma mère. Alors, il faut savoir que Colette parlait beaucoup de bigamie, de polygamie ou je sais plus quoi. Enfin. Ouais. C'est pas une mauvaise chose. Non, du tout. T'en parler. Alors, ensuite est sorti le film Glass avec James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson. C'est un film de M. Night Shyamalan. Donc, peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn, l'homme incassable, donc du premier film, hein, incassable forcément, poursuit sa traque de la bête, surnom donné à Kevin Crumb, depuis que l'on le sait capable d'endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre, Elijah Price, suscite à nouveau l'intérêt des forces de l'ordre en affirmant détenir des informations capitales sur les deux hommes. Ça va être bien. Ouais, c'est donc le troisième et dernier film de la trilogie de Shyamalan. Alors ensuite, donc ça c'est les sorties France, ça sort la semaine prochaine en Belgique, c'est Ben is Back avec Julia Roberts, Lucas Hedges et Courtney B. Vance. C'est un film de Peter Hedges. Donc ça se passe la veille de Noël. Ben, qui a 19 ans, revient dans sa famille après plusieurs mois d'absence. Sa mère Holly l'accueille à bras ouverts, tout en redoutant qu'il ne cède une fois de plus à ses addictions. Commence alors une nuit qui va mettre à rude épreuve l'amour inconditionnel de cette mère, prête à tout pour protéger son fils. Moi je m'en fous, il y aura Julia Roberts. Ok. Et je vais finir avec le film The Front Runner. Alors on n'a pas de date pour la Belgique encore. C'est avec Hugh Jackman, Vera Farmiga et J.K. Simon. C'est un film de Jason Reitman. Donc c'est l'histoire vraie de Gary Hart, un jeune sénateur promis au plus bel avenir, idole des votants américains et favori pour l'investiture démocrate de l'élection présidentielle de 88. Une ascension fulgurante qui fut brutalement stoppée par la révélation d'une liaison scandaleuse avec Donna Rice. Pour la première fois de l'histoire, le journalisme politique et la presse à scandale se rejoignaient et ont provoqué la chute d'un homme politique. Ces événements ont profondément et durablement marqué la scène politique américaine et internationale. Et on n'a plus besoin d'aller le voir, on a déjà eu tout le film, merci. Oui, en même temps, c'est tiré d'une histoire vraie, hein, donc on peut aussi le trouver sur Internet. Ah bah bien sûr. Oui. Vous iriez voir quoi alors? Colette. Moi, je partirais sur Colette. Ouais, Colette. Ah ouais? Et toi, Marie? Glace. Ouais, moi aussi, glace. Ouais, glace. Ouais. Gourmande. Bon, ensuite, coupure musicale. Ok. Et on se retrouve bien sûr juste après avec Anne et Anaïs pour terminer sur les quelques minutes sur les deux pièces de théâtre qui vont se jouer bientôt donc à la boîte à rire. Ça marche, allez. Some like their dreams to fill their days. Inside their broken heart they wait. The future's fire lights up the gray until the clouds all blow away. We got together. s'écarte, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Je veux ton amour dans mes mains. Je veux vivre ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. There's nothing stronger than us if we can be as one. It's gonna be a new day, my dear. We'll leave these walls tonight to run. We've only just begun. No matter what they'll say, in fear, we'll throw these chains off the fire to the sky. We'll keep the océan de roses, je rase les murs de simples choses, m'embrasse. Autour je trace ma terre brûlée, l'âme sous le feu pour faire le pas. Seuls les vrais, les frères sont là. C'est le jour du grand départ, tu verras, je suis perdue sans te décevoir. Je sais bien, ça pourrait prendre des années pour rien. Et puis tout pourrait bien s'effondrer demain. Si j'endosse les cosses, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Laisse-moi secret dans les mains. Je veux vivre encore ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. Come, love, drama, sans peur. Le sol crache toutes ses couleurs. Le sol tremble, pas plus bas que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. RLM 107.9 FM. RLM. Et oui, donc il nous reste une poignée de minutes. Alors juste pour vous parler de, des personnes qu'on va recevoir la semaine prochaine, on aura le plaisir de recevoir donc la semaine prochaine Isabelle du Barry White justement. Le Barry White qui est un merveilleux endroit qui se trouve à Barry d'ailleurs, du côté de Tournai, c'est un peu plus loin de Tournai. Et il va y avoir un concours de chant. Avec un jury professionnel et un concours de chant qui va se faire donc. Alors il démarre le 27 janvier pour les premières auditions. Ensuite il y a les auditions le 10 mars et la finale aura lieu donc le 24 avril donc à 20h. Il y aura donc dans le jury donc comme je le disais des professionnels, des chanteurs. Je vous laisserai le plaisir de le découvrir puisque je mettrai l'information sur Facebook. Donc vous avez encore le temps de vous inscrire si vous voulez puisqu'à la clé à gagner donc un mini-album, donc un enregistrement d'un mini-album. Ah bien. Voilà, donc et puis c'est surtout l'endroit, alors ça va faire plaisir à Marine puisque dans le jury il va y avoir Richard Alexandre. Richard. Et un plaisir ne vient jamais seul puisque j'aurai le plaisir de présenter la finale. Mais bon, ça vous en saurez un peu plus la semaine prochaine puisqu'on aura le plaisir de recevoir Greg et Isabelle. Et non, le Richard, j'ai dit surtout qu'il ne vient pas. Donc voilà, mais je vous en parlerai du concours de chant. Reparlons bien sûr de Anaïs et de Anne qui nous ont fait le plaisir de leur visite aujourd'hui. Pour rappeler donc ces deux super spectacles, donc ces deux pièces de théâtre, hein, c'est ça. Comédie, de chant, comédie, voilà, humoristique. Alors, la guerre des garces. C'est ça. Voilà, mais donc guerre des garces. Je suis emporté là. Non mais j'aime bien, ouais. Je crois qu'il faut y mettre de l'intonation. C'est ça, la guerre des garces. Oh, ouais, j'adore. Refais-le. La guerre des garces. Ça m'excite, vas-y, continue. Encore une fois. Continue, ça m'excite. Est-ce que tu peux faire la même chose avec show, set et match? Ah ouais. Show, set et match. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais au moins ça vous donne un avant-goût de ce que vous allez voir sur scène, puisqu'elles seront sur scène. Donc Anaïs dans la guerre des garces, évidemment. Donc rappelle-nous donc les dates au mois de février. Alors du 23 au 26 janvier. La guerre des garces. Oui, ouais, ouais. Et après, la show, c'était match du coup du 3 au 13 avril. Et avec évidemment Anne, et on va demander à Anne de nous vendre justement le spectacle. Si tu dois nous donner l'envie de venir te voir dans show, set et match, tu dirais quoi? Eh bien que si votre vie n'est pas folichonne et que vous avez besoin de rigoler, déjà venez. C'est une comédie très sympa. On n'a pas parlé encore du comédien qui est avec nous, donc Maxime Antoine. Donc c'est pas deux prénoms, c'est un nom de famille. Et le metteur en scène, déjà Gino Sorbilli aussi. Ouais. Ça va être drôle, venez en fait. ça va être drôle. De l'humour, de la comédie légère. De la musique, ouais. Des jolies filles, des jolis garçons, tout ce qu'on aime. Ah d'accord, mais je pensais que vous faisiez partie de la distribution. Quelques jolies filles, pas toutes. Donc si vous voulez plus d'informations, évidemment, vous allez directement sur le site internet La Boîte à Rire de Lille. Ouais, ou ticket. Ou Bière et Duc, oui, c'est ouais, ça. Mais il y en a d'autres aussi, des sites où on peut retrouver, non? Alors, après moi c'est pas moi qui m'occupe de la programmation. Je sais que moi principalement je conseille sur Bière et Duc parce que c'était un peu moins cher et c'est plus accessible. Oui. Et la boîte à rire aussi. Termine sur une bonne note, genre professionnel, vas-y genre. On est un peu dans le noir là, je sais pas pourquoi. C'est plus intime, c'est plus intime. On a un petit problème technique en fait. Je vais ramener mes bougies et mon gâteau. Ouais. Ok. Oh non. Mais c'est pas grave. Bon. Allez, il reste une toute petite minute. Une toute petite minute, donc pour rappeler effectivement qu'on peut vous retrouver sur le site internet, hein, la boîte à rire. Et, là, et si jamais vous venez et que ça ne vous plaît pas, s'il y a quelqu'un à qui vous avez envie de faire une crasse, conseillez comme le spectacle. Ah, c'est pas mal. Ouais, voilà. Vos collègues, si vous trouvez ça ennuyeux, votre belle-mère va adorer. C'est sûr, prenez-lui une place. On prend de tout. Hein. Voilà. Eh bien écoute, c'est noté. Merci en tout cas pour votre bonheur, votre joie de vivre et ça nous donne vraiment envie de venir vous voir. Marine, tu avais une dernière info à nous faire passer? Oui, dimanche pour ceux qui aiment le rock, rendez-vous au stand à 20h donc pour un découvreur de Led Zeppelin, The Doors et Queen. Ah bien, okay. C'est qui le cover de Led Zeppelin? Allez, 10 secondes, vite. Zepp. Bon, voilà. Allez. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. À vous, bisous à tous. Allez. Portez-vous bien et restez à l'écoute de RLM. Ciao.